Alma Street, Strike sur la France, Nounou, un deux, un Zoali, Tiga, Allélu, Kenor, c'est du son de barbare, Madin Almaga, sur le beat c'est la guerre, alerte les stars. Comme tu peux le voir, ces fake up me rendent fou, ou comme enfermé à l'os, ou comme les victimes de Marc Dutroux. Strike sur la France, réveille les couches, t'as un gros bar. Et une lame dans le camtar. Rageux, enragé, et la rager, j'arrive avec 59 100% de chance de straquer la France. Pour scarifier ces bâtards tranchés, j'étais les cœurs des billards, direction corbillard, danger. Plastiqué au C4, c'est mon nectar. Julie Lesco, les enragés sont lâchés. Colombo, la Colombo l'a déjà flingué. Sarko, tu peux rappeler tes agents, regarde en fin de service, ils tiennent même plus le volant. Ma tête tourne. C'est l'effet cerf-volant, volant la fuite du vent, comme un feu follant. Et c'est affolant, je me demande si un jour ça va changer. Sache que pour l'instant, je viens en tant qu'étranger. Azo, illico, presto, sinastro, verso, ken la France depuis le berceau. C'est les bruits des guns qui m'ont bercé, frérot. Et je persévère dans une délinquance, intense c'est la vie, et je strike la France. À la gare, c'est ma street, pollué par les stars. Oh Mike, sale ma street, appelez les serial killers. Poignardeur, champardeur, la terreur et gorgeur d'instru. Baiser de bac qui tire sans être instru. À la gare, c'est ma street, pollué par les stars. Oh Mike, sale ma street, appelez les serial killers. Poignardeur, champardeur, la terreur et gorgeur d'instru. Baiser de bac qui tire sans être instru. Quartier Nord fameux, Almaguer sous tension. C'est dangereux. Tant que la striker sera la devise, la France sera séquestrée. Vas-y kiss, vraiment c'est qui. Mon entrée dans le rap comme un nuage qui grise. Alors tu craques et mon emprise dégrade des rats. Vas-y Chris, ma rue attriste ta vie. Change de bise, mon artifice. Un keuf en forme de ballon que je décolle à Tunis. Atténué, les circonstances seront. Un strike sur la France que je balance dans ce canton. Psychopathe, canard de la nation. Ensuite renouvelle la parade. Tu connais Dixon. J'ai un rond rempli, c'est le danger. C'est nous les artistes enragés. Chez nous c'est triste, on veut dégager. J'ai mes lyrics en guise de broly chargé. J'suis pire qu'un beat, vu que la vie m'a forgé. Chez nous c'est clic-clic, on a les armes chargées. Mais je t'explique, la merde nous a tous fait changer. C'est pour les haters, les squatteurs du QG qui sèment les flics avec dans les couilles 50G. J'ai changé d'optique, vu que je suis la cible des rejets. Mais mon seul tic, c'est d'esquive la bac, les RG. C'est pour les raffis, les mecs dérangés. Almagar, c'est ma street, on nique la France, c'est pas pris changer. Almagar, c'est ma street, pollué par les stars. Oh Mike, sale ma street, appelez les serial killers. Poignardeur, champardeur, la terreur et gorgeur d'instru. Baiser de bac qui tire sans être instru. Almagar, c'est ma street, pollué par les stars. Oh Mike, sale ma street, appelez les serial killers. Poignardeur, champardeur, la terreur et gorgeur d'instru. Baiser de bac qui tire sans être instru. 59G, comme d'hab on vient tout saccager. Ma gare c'est le quartier, Alma Street leur cartel. Dans le rap on fait pas de quartier, son port jartel va craquer. Ses jambes on vient écarter, l'espoir on va t'éclater. Dédicace mec ton chinois GAV. Les cellules ravagées, tous les gars enragés. C'est clair, je les vois en bavé. Avec nos esprits tapageurs, la rage depuis mineur. Qui te voit la bac, lève leur majeur. Et les encules dans Alma Street c'est le quartier, les sales